L'esprit de se renforcer par soi-même du peuple coréen qui accélère l'édification d'une puissance socialiste en dépit des difficultés fait l'objet de l'admiration des gens du monde. Le journal du Congo démocratique La Prospérité, le journal birman The New Age, les pages d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste et de la maison d'édition de Sibérie orientale de la province d'Irkoutsk de Russie ont écrit notamment « Sans la force de se défendre, on sera réduit en esclave, mais on sera vainqueur avec l'esprit de se renforcer par soi-même. » Le critère véritable d'une puissance se traduit dans la grandeur du leader, la force de l'union et le potentiel militaire puissant. Voilà la vérité de l'histoire apprise par le peuple coréen pendant la lutte de longue date. Le secrétaire général du Cercle britannique d'études des Ezhutse et le sous-secrétaire général du comité central du Parti communiste tchécoslovaque ont fait remarquer que la Corée fait preuve de la primauté de l'esprit de se renforcer par soi-même suivant le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme et que la révolution coréenne va de l'avant sans cesse sur la voie de l'indépendance, du Sungun et du socialisme sans la moindre vacillation grâce au camarade Kim Jong-un. L'agence de presse congolaise a annoncé. Plus la pression durcit de l'extérieur, plus on redouble d'efforts, plus les conditions sont difficiles, plus on met en valeur pleinement l'esprit de la confiance en soi et de l'opiniâtreté. Le peuple coréen est fort en esprit de se renforcer par soi-même.